En Corée, les rassemblements militaires ou civils pour célébrer la réussite à l'essai d'explosion de l'ogive nucléaire qui a manifesté la puissance nationale de la Corée du Sud ont eu lieu les 17 et 18 septembre dans les provinces du Pohang du Nord et du Hamgyong du Nord. Y ont participé les cadres des organismes du parti et du pouvoir, des organisations des travailleurs, des usines, des entreprises, des fermes et des écoles supérieures, les militaires de l'armée populaire de Corée et des forces populaires de l'intérieur de Corée, des travailleurs de divers paliers, ainsi que les jeunes étudiants des provinces. Lors des rassemblements, il y a eu la lecture de la déclaration de l'Institut d'armes nucléaires de la République populaire démocratique de Corée, suivie des discours de félicitations. Les orateurs ont affirmé que la réussite totale à l'essai d'explosion de l'ogive nucléaire par les intelligences, techniques et forces des Coréens est un coup foudroyant contre les États-Unis et leurs forces alliées, et aussi une victoire exaltante remarquable dans l'histoire qui a bouleversé l'ensemble du foyer de l'agression. Ensuite, ils ont invité tout le peuple à s'efforcer énergiquement pour édifier le plus vite possible la puissance socialiste du Juche, paradis du peuple, tout en s'unissant étroitement autour du camarade Kim Jong-un.